Audiomatique. Avec le groupe français The Grief et la pièce Chase Talk que nous amorcions la transmission 178 d'Audiomatique. La version que nous avons entendue, à savoir le Dog Mix, se retrouve sur le EP homonyme à la pièce Chase Talks. La version originale, quant à elle, se retrouve sur l'album Kitistra 4, paru en 1989. Audiomatique. Avec les électronistes, c'est 60 minutes de musique à caractère électronique, et puisque chaque mot prononcé empiète sur l'espace que pourrait occuper la musique, nous n'en dirons plus, pas plus inutilement.

À Audiomatique, l'artiste français Laurent Garnier nous présentait sa composition « Dance to the Music Occident Mix » qui est parue, entre autres, sur l'album « Raw Works » que l'on peut, à la limite, considérer comme une compilation best-of qui lui a servi à l'époque comme première carte de visite pour le marché américain. Et pour débuter, nous avions droit à la chanteuse américaine Sharon Van Etten et sa chanson D Sharp G, qui laisse une place importante au mélotron dans l'instrumentation. Cette pièce est tirée de son album Epic, qui est officieusement son deuxième si on fait fi des 7 albums qu'elle a autoproduits entre 2005 et 2008. La prochaine pièce est l'œuvre des frères Martin et Stephen Young, qui ont fondé Colorbox en 1982. On les connaît surtout pour avoir composé la célèbre pièce Pump Up the Volume sous le pseudonyme de Mars en 1987, mais aujourd'hui, les électronistes vous présentent la pièce Justice du premier mini-album homonyme de Colorbox qui est paru en 1983. Thank you. side, speak to her, but she is not clear. Inside the room, you feel the strangeness in the air, and then you fall and cut your feet, the humblest man. I can't stand to see you hurt. I take a gun and silently blow you away. There's no more. There's no more. She turns and smiles. I pick up the case and walk outside. Where the air is clear and the scene looks so blue, like it's never been before. Audiomatique, nous venons d'entendre une pièce de la formation Clock Dévié à savoir Eternity in Paris, tiré de ce qui fut probablement l'album le plus accessible de cette formation britannique menée par Addy Newton depuis 1978. L'album duquel est puisée la pièce que nous avons entendue se nomme Advantage et est paru en 1983. Avant Clock Deviant, nous entendions une pièce du célèbre trompettiste Miles Davis, l'une des figures emblématiques du jazz contemporain. De son album Tutu, sorti en 1986, nous écoutions la pièce Portia. Après avoir expérimenté en intégrant le jazz à l'intérieur du canevas de la musique krautrock et progressive dans les années 70, Miles Davis a flirté avec la vague New Wave en intégrant du clavier, des beats programmés et des lignes de basse répétitives pour accompagner ses mélodies à la trompette. Et en début de séquence, nous entendions la formation Colorbox et sa pièce Justice. Audiomatique s'étend davantage avec cette fois la musique du défunt groupe français Cat Onoma. Thank you. Like in a lost name in vain. Some stepping out on the streets again. Some tortured by demons. Winged beasts and carriers. The air is alive with dagger and poisons. Two stars. Four smoother meters here. For you and I both know. The streets are paved with fears. Severe mental fog. Rieger's a mad killer dog. London lives up its arse. These horrors have surely come to pass. I'm twitching and sweating on the front line. This man's a monster. He's a monster in his own time. He's a monster. I've seen dagger and poison fall. We're falling. The carnage rules. To search your heart and tear it apart. Rip it apart. To hide your head in fear. It's all around here. Crack, you're under attack. Taking the Lord's name in vain. Four smoother meter tears. What you and I both know. A street of fame. With fears. Electric congestion. Kamikaze pedestrian. What's it all mean? Can't juggle with Jesus. And surely the great sea. Make it reality. 24-7. 24-7. Flapping like a trap bird. And the 7-11. Crack, you're under hopes and fears. Now they seem. People's hopes and dreams. Now they seem. So out of reach to me. We'll be right back. Le groupe britannique Low Fidelity All-Stars assurait la continuité à Audiomatic avec la pièce titre de son premier album « How to Operate with a Blown Mind » lancé en 1998. Et en amorce de séquence, il s'agissait de la formation française Cat Onoma et la chanson « La Chambre » remixé par Kid Loco sous le nom de Where Were You Mix. Cette version apparaît sur l'album de Kid Loco, Jesus Life for Children Under 12 Inches. La version originale, elle, se retrouve sur l'album Far From the Pictures de Cat Onoma, qui s'est séparé en 2004 après 24 ans d'existence. C'est le groupe Taurophon qui mettra le point final à la transmission 178 d'Audiomatic avec sa musique punk industrielle corrosive. De l'album Final Movement, paru en 2001, nous allons entendre la pièce Riot Dictator. Mercredi prochain, dès 17h, nous en serons à la transmission 179 d'Audiomatic. Si après que la transmission 178 soit terminée, votre curiosité est inassouvie, ou que vous souhaitez approfondir la programmation de chacune de nos transmissions, sachez que vous pouvez les écouter en ligne à tout moment. Les liens se trouvent sur nos profils facebook.com/audiomatic-cfou ou mixcloud.com/audiomatic. Voici donc la formation Taurophon et sa pièce Riot Dictator. C'était Audiomatic avec les électronistes.